Unité 3. Page d'ouverture. Page 53. Activité 2 et 3. Piste 40. Chérie, regarde. La classe de Hugo est grande. Oui, elle est grande. Et là, qu'est-ce que c'est, Hugo ? C'est une carte du monde, maman. Oui, merci. Je vois deux portraits d'écrivains sur le mur.